fais ma météo. C'est un peu mon acte de Noé. Elle me fait la tête quand je sors. Elle m'aidera pas à échouer. Faut pas étonner, j'ai pas encore tout donné. T'es ma petite boussole quand je suis paumé. Tu t'en tapes de la monnaie. J'sais pas ce que j'ferais si tout est fini. Ah la la la, tout est fini. Mon bébé, ma life, quand t'aimes fait des guilis. Bébé, ma life, tout est fini. C'est mon calme à ma pharmacie. Je capte derrière et si elle assise. Elle me dit qu'elle veut pas de fantaisie. Loin des jaloux, des paparazzi. Ah ouais, au fait, c'est pas ça. Elle s'énerve parce que je rentre par la casa. J'fais pas me prendre la tête cette fois-ci. J'la calcule pas quand elle persiste. T'es devenu ma drogue. T'es mon amour, ma pote. Tous les jours, il me faut ma dose. Dans mon cœur, j'ai ta rose. T'es devenu ma drogue. T'es mon amour, ma pote. Tous les jours, il me faut ma dose. Dans mon cœur, j'ai ta rose. Je connais pas trop sentimentaux. Tu as braqué mon cœur comme un commando. Je vois la femme de ma vie dans toi. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai toujours resté franco. C'est vrai que j'étais un peu loco loco dans le temps. Le check, les potes, la rue, les Sancho. Mais depuis, je bosse, je suis plus dans les descentes. Ah, je m'ennuie. Ma beauté, je taffe si tu savais. Je fais pas mes week-ends à cause. Saint-Barthélemy ou bien Hawaï. On s'en va tant qu'il y a de l'amour allié. On s'attache et on s'empoisonne comme Christophe Maé. T'es devenu ma drogue. T'es mon amour, ma pote. Tous les jours il me prend ma dose. Dans mon cœur j'ai ta rose. T'es devenu ma drogue. T'es mon amour, ma pote. Tous les jours il me prend ma dose. Dans mon cœur j'ai ta rose. Dans mon cœur j'ai ta rose. Dans mon cœur j'ai ta rose. Dans mon cœur j'ai ta rose.